Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap La Fouine, capitale du crime 4. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bonsoir, bienvenue, comment ça va La Fouine? Ça va très bien, et vous? Content de te retrouver pour le CDC 4, ça y est. On a 7 jours. CDC 4, on a 7 jours pour ouais, 7 jours. Lundi prochain, il est déjà sur iTunes. Ouais, bah, je suis content de revenir ici à Skype pour faire découvrir ce projet CDC 4, un projet sur lequel j'ai énormément travaillé. Alors rappelle-nous justement un peu le concept des capitales du crime, parce que maintenant ça fait plusieurs années que t'as lancé ça. Bah, c'est le quatrième volet d'une mixtape que je sors tous les 2 ans. Sur laquelle il y a quelques morceaux solo et surtout beaucoup de featuring avec la nouvelle génération. Ouais, l'idée c'est mettre en avant voilà des nouvelles générations de producteurs, de rappeurs. C'est ça, voilà, c'est un disque avec de nouveaux rappeurs, de nouveaux producteurs et voilà, c'est un disque qui a été fait en plus de 2 ans. Il y a des nouveaux artistes tels que Cozy qu'on peut retrouver ce soir avec moi. Yeah, Fredo, comment tu vas? Cozy du 9-2 en pleine forme, comment ça va Cozy? On est là, ça va et toi? Eh ben écoute, ravi de te retrouver dans Planète Rap. Ah, comme d'hab hein. Voilà, Cozy qui depuis déjà plusieurs mois maintenant travaille bien le terrain et nous a balancé des morceaux avec plein de gens différents. Bah, je pense à Black Brut, Gradure, ouais. À Tito Prince encore récemment. Ouais. Voilà, après j'ai balancé aussi mes à trucs Tony. Ego Trip un peu. Ouais, Tony, j'ai balancé aussi mes trucs Ego Trip là. Ouais. 1, 2, 3, 4. Là, ce soir, peut-être qu'il y aura le live, peut-être. Hein. Bah, ce soir, il y aura pas Fouini, peut-être. Hein. Ce soir, tu vas faire le live de Loubou. Ah, bah, c'est lourd, Loubou. Bah, voilà. Bah, Loubou. Fouini va prendre quelque chose là, donc on va faire ça ce Loubou, soir. Loubou, il est venu avec Ego Trip 5 qui doit nous faire en live justement, aussi. Justement, c'est ça qu'il va nous faire. Il s'appelle Loubou. Ah, il s'appelle Loubou. Il s'appelle Loubou. Voilà. D'accord. Je pensais que c'était le Loubou en référence à Louboutin. Et voilà. Évidemment. Voilà. La célèbre remarque à la semelle rouge. C'est ça. Cozy fait partie justement de cette nouvelle génération ouais. De rappeurs qui est très présent sur Internet, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui balance toujours plein de freestyle, qui balance toujours plein de morceaux. Et il est en préparation d'un album super lourd. Donc moi j'ai découvert Cozy justement par l'intermédiaire de mon ingénieur du son et de mon beatmaker Ruskov, qui a d'ailleurs mixé tout le projet, à qui je fais une grosse dédicace. Big up. Il suivait Cozy depuis pas mal de temps. Il lui a envoyé des instrus. Ça fait plus de 4 ans, plus de 3 ans. Et donc moi je suivais de loin Cozy et puis j'ai vu son ascension et puis je trouvais ça tout à fait logique de l'inviter justement sur Capital du Crime 4. Il est venu, il a craché son venin sur un morceau ouais. Lourd qui s'appelle Fais les deux qu'on fait va écouter dans quelques minutes. On écoutera qui a été balancé déjà hein, sur le net. Exactement, avec un clip, avec de très bons retours. Et voilà, il est extrait justement de cette mixtape CDC4 qui arrive lundi prochain dans les bacs. Donc pour tous ceux qui ne sont pas au courant, c'est vraiment le disque à avoir, c'est la mixtape de l'année. Allez tous la pécho. Il y a 19 morceaux. Il y en a 21 justement sur la version iTunes que vous pouvez précommander dès maintenant. C'est vraiment un très bon disque, il y a vraiment de très bons retours. Si vous êtes hésitant, allez écouter même avant d'acheter. Et bien, tu sais quoi? Tu sais quoi? Justement, ouais. Pour donner envie aux gens, nous on a prévu ici à Skyrock un petit medley, même un gros medley d'ailleurs de CDC4. D'accord. Ah lourd. Et on va débuter avec une bonne idée. Pour se plonger directement dans le projet. Écoutez. C'est la fouine dans Planète Rap. CDC4 dans les packs, détendez-vous, ce n'est que l'intro. Ils ont trop peur, je viens prendre le trône, nous le savons. Ils ont trop peur, la rose pas, la fouine vient du rose. Putain de parler pour rien gros, ma voix sonne comme un Skyrock. Ton meilleur pote ta banane, Asbat, laisse parler les Planète Rap. Quand un gars tire en l'air, y'a pas que Bolt qui décale. Ce soir le rap français finit noyé dans la scène. J'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'avais leur sarcène. De là, je vis dans un rêve. Ce rêve que t'aimerais faire. Prends ta mide à pas à gauche, à droite. On prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. 48 heures, on ressort à Jean Royal. On a plus de flow qu'un vagin. Tu sers à rien. Tu sers à rien. Tu sers à rien. Je vais te pendre avec ma Salvatore Faragamo. Faragamo. J'ai plus de beat que le 6-pro. De ton 6-pro. Une balle dans le genou gauche, c'est sur quel pied danser. À part ton flow par la fenêtre, non j'ai rien balancé. Ramène la juge quand la touche pas. Attaque soviétique, rare, pousse-toi. C'était juste un conseil d'amis. Simple conseil d'amis. Sans étoile, où est le charme de la nuit? Je voulais juste que t'aies pas dormi. Planète Rap, on Skyrock. conduire ou me faire sucer Renoir, je fais les deux. Argent propre sale, ouais, je fais les deux. Parler ou m'envier Renoir, tu fais les deux. Tirer dessus ou t'as de ce soir, je fais les deux. Pas parler pour parler, à quoi ça sert vrai. Et pourtant quand venait le moment d'allumer, les bâtards engrainés, les voitures entraînées, les ratatatata, les darons appelés. Rafale énervé, les balances ont craqué, confidence avouée, les condés défilés, le terrain est miné, les petits enfilés, enlevés, vos sapes et fenêtres. Rien à faire, rien à faire, rien à faire, rien à faire. Pour moi, mon avocat parle pour moi. Rompez mon banc qui compte pour moi. Au plaid, le daron compte sur moi. Artex Saha, parle mal, malin. Artex Saha, j'ai dit comme d'hab, ma BSP de Nové. C'est des bras, soulève ton revêt. Intérieur, cuir, vitre teinté. Et tous mes robes sont trop niqués. Ils font des Lové, Lové, Lové, Lové. Elle est à mon nom. Contrôle de cœur, ouais. Ils veulent quoi, c'est con. Les gars, les gars, les couilles. La carte grise est à mon nom. Laisse-les crier, je les regarde haut. Oh oh oh, oui, oui, oui. Skyrock. Laisse-les font pitié, on sait qui contrôle. Oh oh oh. Sa mère, j'ai giflé le rap, j'ai laissé dans le coma. Arrête tes salades, là tu sens le ful-ful. Darbeida, frère, que t'as de faire fumer en deux-deux pour nous, c'est trop facile. Assumer le bon baveu pour nous, c'est trop facile. Faire du rap français, ouais, pour nous, c'est trop facile. Il paraît que tu te tries, moi j'en suis navré, pour nous, c'est trop facile. J'ai de la fraîche pour les frères, pas besoin de trône. On fuck leur pyramide, on veut des lots. J'ai de la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. Sometimes I could cry from the memories of you. C'est décès, quand le bon Dieu t'appelle, tu fais le haram. DTC, ouvrir les portes avec des clés de bras gros. C'est toujours fouini, baby, Maybach, oh. Cairo, Planète Rap. Voilà pour ce medley, pour lourd, ce petit medley là. Bien, non? C'est lourd, ouais, franchement, bien fait le medley. Pour se plonger dans CDC 4 et pour débuter cette semaine avec La Fouine, donc on a pu entendre une bonne partie des morceaux qui sont présents sur CDC 4. Ça sort lundi 24 novembre. Et bah puis on a entendu donc cet extrait Fait les deux avec Cozy qui est aussi en invité ce soir dans l'émission. Il y aura donc du live avec Cozy. Yes, yes, yes, yes. Ego Trip 5, Loubou, on vous une grosse prod de Alpha Prods. On vous attend aussi pour vos réactions. 41759, le hashtag Skyrock, le hashtag La Fouine. Ce soir, je vais sûrement faire du live, sûrement faire intro, voilà, intro CDC4 en live. Que DJ Scorp est là au platine. On fait une grosse dédicace aussi à DJ Battle. Ouais. Battle, il est parti dans le théâtre. J'ai vu avec Nawel Madani dans le stand-up. Il est en tournée avec Nawel Madani. On lui fait une grosse dédicace à DJ Battle. Et ben on écoute pour débuter le morceau Va Bene aussi, parce que ça on va en parler dans un instant, mais c'est un morceau avec Reda Taliani. Alors c'est peut-être un morceau qui est un petit peu hors univers de CDC4. C'est ça. Mais qui glisse tout seul celui-ci. C'est un beau morceau, hein, c'est celui-ci. C'est clair, moi, j'adore ce morceau. Et puis c'est un de mes coups de cœur aussi. C'est un morceau aussi qui parle beaucoup de mes origines. Et puis on peut m'entendre notamment chanter en robot. C'est vrai, à la fin. Donc ouais, grosse dédicace à Reda Taliani. Et puis on s'écoute Va Bene. Et juste après, on s'écoutera Fait les deux avec Cozy. Allez, c'est parti. On est trop à souffrir, mais ma sœur, le monde est à nous. Je serai là pour te soutenir quand tu te sentiras seul sur ta route. Je les vois, nos ennemis ne peuvent rien à part parler sur nous. On les a endurcis, promenades et numéros d'écrou. Moi j'ai jamais changé, je vois des frères devenir parano. Les choses vont s'arranger, de boulot en petit boulot. La galère m'inspire, je viens de là où les rêves tombent à l'eau. Moi j'ai pas fait Saint-Cyr, tous les soirs je regarde là-haut, là-haut, là-haut. Je voulaient faire des thunes. Le dernier de la classe sera premier sur iTunes. Un pied dans le showbiz et puis l'autre sur le bitume. Écrire avec le cœur et laisser quelques plumes. J'ai de la famille dans le sud, j'ai de la famille dans le rive. Qui peut me stopper, pas leur vin de long rive. Tu t'es en bourgeoisie, royal, pourquoi tu te plains? Moi j'ai pas retourné ma veste, Philippe plein. Passé en bolide, 20 ans plus tard j'aurai une baraque en Floride. Longue épopée de la misère au succès. Jante noire, cuir noir, tu sais toujours qui c'est. Je suis resté le même en première ou en écho. Appel d'Amido, ma cellule a besoin de déco. C'est Tony Montana, featuring Manny, Casa Fuini, Alger Taliani. C'est la fouine CDC4 avec Reda Taliani à l'instant sur ce morceau, le morceau Capital du Crime 4 et le morceau Va Bene sur Skyrock entre 20h et 21h. C'est l'album qu'on découvre ce soir. Cozy est là aussi avec nous. Ouais, ouais, Fredo. Ça va, t'as écouté un peu tous les sons de CDC4 ou pas? Non, tout à l'heure, là, pas t'as tous. Vu quand t'as mis le medley là. Ah, t'as pu découvrir des morceaux. Je parlais avec Funi là, je disais, il y avait un morceau, il accélérait là, c'était du sale. Ouais, le morceau s'appelle Terrain, je vais le balancer, c'est un morceau que j'ai fait avec Ash Magnum, c'est vraiment un morceau de ouf. Très sale. Et ben, on l'écoutera tout à l'heure. En tout cas, merci, je suis content d'être là. Oh, merci pour tous vos messages. Continuez à les envoyer au 41 Sky, 41 759. Tu parles comme au Maroc, c'est parti. Comme au Bled. Continuez vos messages, faut plaisir, envoyez-les, on est là sur Sky, c'est DC4. Et c'est déjà en précommande, allez tous le pécho, parce qu'il y a deux morceaux en exclu justement pour la version iTunes. Je voulais juste qu'on revienne sur le morceau qu'on écoutait avec Reda Taliani. C'est un morceau qu'on connaît pour ceux qui suivent le rail aussi. C'est un morceau que j'ai découvert. Ouais, c'est un morceau que t'as découvert quand t'étais au Maroc. J'ai découvert au Maroc et puis ce fut un coup de cœur. J'ai dit à mes cousins, mais c'est un truc de ouf ce morceau, faut absolument que je le reprenne. Il y a eu une énergie de fou sur ce morceau et puis j'avais des frissons en l'écoutant. Donc je me suis dit, je vais le reprendre, je vais le faire à la Fouini quoi. Et donc j'ai demandé à Reda Taliani, m'a envoyé les notes de piano et puis la cape et tout. Et donc on a pu travailler ça. Et puis voilà, c'est un bon morceau. Je remercie Reda de m'avoir permis de pouvoir reprendre ce morceau. Il y a une autre surprise aussi dans le disque. Ouais. Il y a une surprise sur le morceau Pyramide. J'ai repris le sample d'un des morceaux préférés du rap français. X-Men. Un classique retour aux pyramides. Et voilà, ça fait longtemps que j'avais envie de reprendre justement cette boucle et puis de faire un gros big up. Donc je fais un gros big up aux X-Men. Je sais pas s'ils m'écoutent. Mais voilà, pour moi, ce morceau, c'est un de mes morceaux préférés du rap français. Retour aux pyramides. Et puis, je pense que cette version là que j'ai posée sur Capital du Crime 4, c'est vraiment une version qui va rester. Voilà, on vous la jouera après les deux. Ouais. Ah, on le fait soir aussi, on balance ce soir. Terrible. Oh, on va te jouer ce soir, comme ça on va faire découvrir aux gens directement, on va rentrer dans le vif du sujet de ce CDC4. Qu'est-ce qu'on met d'ailleurs là maintenant, la fouine? Eh ben, on va se mettre fait les deux, vu qu'on a avec Cozy. Yeah. On va se mettre fait les deux, c'est un morceau sur lequel j'ai énormément de bons retours. Et je sais qu'il est très demandé. On va se mettre fait les deux et ensuite on se mettra Pyramide. Pyramide pour moi qui est un des morceaux, qui est mon morceau préféré du disque. Voilà. Allez, on commence avec le morceau où on retrouve Cozy, il y a le clip déjà qui est dispo. Nyama. Produit par Glenn Smith. Fais les deux. C'est des efforts. Founi, Cozy. D'accord. Conduire au

Ça te dirait de venir kicker pour CDC4 ou quoi? Parce que les Congolais, quand ils sont pas en France, ils sont en Belgique. C'est donc, vrai qu'il y a un axe, ouais, jusqu'en Belgique. Ouais, je le dis, je bombarde et vas-y, on fait ça, on va faire ça bien. Je suis arrivé avec l'équipe de Belgique et puis on a fait ça à deux, au calme. J'avoue, au début, il m'a mis une petite pression, tu vois. Parce que lui, il avait déjà kické, il avait déjà fait le refrain, il avait déjà tout fait. Et le gars, il arrive, il me dit, ouais, Cosy, il te reste 30 minutes pour écrire. Ah ouais. Mais après, il a dit, non, je rigole, prends ton temps, tout ça. Je me rappelle, voilà. C'était trop marrant. Juste avant que t'arrives, j'étais en train de poser le morceau. J'étais dans le studio B, Canardo, il était dans le studio A avec sa femme, avec ses amis et tout. Et c'était en train d'enregistrer des morceaux, mais plus ouverts, des morceaux plus cool. C'était de la chanson. Et moi, je suis arrivé, j'ai dit, Canardo, attends, j'ai une prod, j'ai mis stop à sa session. J'ai commencé à mettre ça, j'ai commencé à chanter. Conjurez-vous me faire sucer, on a fait les deux. J'ai mis un froid dans le studio. Dans le studio, t'es senti éclairé. Ah ouais. Laisse tomber. C'était un peu tendu, mais en tout cas, voilà. Dédicace à Canardo, en tout cas. Le résultat est là. À la table, on a Gun Roulette et on a Glenn Smith. Glenn Smith. C'est deux personnes qui m'ont beaucoup aidé aussi sur le projet CDC4. Glenn Smith qui s'est occupé un peu de l'image, du visuel. Et t'as Gun qui a mixé tout le disque et puis qui a produit aussi pas mal de morceaux. Donc voilà, c'est un disque fait maison, quoi. CDC4, c'est un vrai disque fait maison. Et ben on les salue, on va revenir dans un instant. On mettra quoi? Le Pyramide on après la Pyramide, justement, c'est Ruskov à la prod. Et je crois, c'est mon morceau préféré de l'album. Et ben, donc si vous êtes chez vous tranquille. Et ce morceau-là, à la base, je l'ai fait parce que j'entends plein de rappeurs justement qui essayent de faire du rap un peu à l'ancienne, qui essayent de prendre des beats à l'ancienne. Ça, c'est du rap à l'ancienne, les gars. Ah ouais. Ça, c'est du rap à l'ancienne. Parce que le rap à l'ancienne, c'est pas de prendre juste une prod à l'ancienne. Il faut vivre le truc. Faut que ce soit Kaira, faut que ce soit. Voilà, c'est écouter ce morceau, c'est la définition d'un bon rap à l'ancienne. Et ben, voilà, bougez pas, c'est juste après la pub sur Skyrock. Jusqu'à 21h. C'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap La Fouine, capitale du Crip 4. Ils sont en exclu. Comme toi, La Fouine a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est le Planète Rap CDC4, capitale du crime 4, avec La Fouine au micro, avec Cosy ce soir. On salue aussi Gun Roulette, tu le disais, Ruskov qui est là, qui représente Gun Roulette, et Glenn Smith avec nous qui s'occupe de l'image. Yeah. Beaucoup d'images autour de ce projet. Ils sont épuisés les deux, hein. Tu les as épuisés, La Fouine, les deux. Ouais. On les a épuisés, mais c'est pour la bonne cause. Ils sont crevés là, hein. Je les vois, les gars. Pff. Non, on est en forme. On revient des States, de Miami, New York, je connais. Ça s'est enjaillé. On s'est enjaillé comme d'hab, la base. Bon, on est premier avant les pubs, un morceau. Donc, c'est un morceau dont l'origine est X-Men avec Retour aux Pyramides. C'est ça. C'est un morceau qui a marqué le rap français des années 90, hein, celui-ci. C'est ça, exactement. C'est un morceau même qui m'a donné envie de rapper. Ouais, celui-ci, ouais, t'as donné envie de rapper. Ouais. Cosy, pareil, toi aussi, tu te souviens de ce morceau, évidemment. Ouais, de fou, je l'ai écouté. Un frère, c'était à l'époque, on n'avait pas le lecteur CD, c'était des Walkman, là. Ouais. Tu vois, à l'époque. Ouais, c'est ça. Avec parfois des cassettes, même. Hein. Voilà, des cassettes. Bah, c'est ce que je t'ai dit, c'était en mode cassette et tout. J'allais à l'école avec ça. Et franchement, gros big up aux X-Men, Hill, Cassidy, on n'oublie pas. Ils ont marqué l'histoire du rap français, Time Bomb. Donc toi, t'as repris le son. J'ai repris le son et puis j'ai repris aussi un petit bout du refrain. Et puis c'est un truc de ouf le morceau. C'est mon morceau préféré de ces DC4. Il y a de la punchline de malade. Donc là, préparez vos cassettes justement, préparez vos oreilles. C'est mon morceau préféré de ces DC4. Ça sort lundi 24 novembre en exclu dans Planète Rap Pyramide. Se faire fumer sous la neige, c'est ça un fait divers. Demande aux darons, la pauvreté n'est pas héréditaire. J'sise plus d'alcool, mais j'ai des problèmes de foie. J'roule à fond sur le pont de l'Alma, Lady Diana. Fini la pénurie, y'a Heja ou y'a Foy. Méfie-toi de certains straps qui cachent leurs jeux comme des Lady Boy. Ma voiture est allemande comme le nouveau maillot d'Aubameyang. CDC, beaucoup l'attendent. Mon placard était vide, qui aurait cru que 20 ans plus tard j'aurais des excès de bagages. Ils ont la rage, ici c'est Bagdad, j'mets tout le monde d'accord. Mon album fait plaisir comme ma art qui mord. J'parle pas beaucoup, j'préfère agir. Et si tu veux ma peau, faut te lever tôt comme pour le Fagir. J'ai des gens qui travaillent pour des gens qui travaillent pour moi. Et si tu finis à l'hosto, c'est qu'on est resté courtois. Tester pourquoi, rien n'a changé à part le nouveau modèle de ma survoie. Fuck leur loi, et si c'est Fouine là. Entre eux et nous, y'a rien à voir. On dit que ta mère et on sort en provisoire. J'ai de la fraîche pour les frères, pas besoin de trône. On fuck leur pyramide, on veut des lots. Ouais, on veut des J'ai lots. De la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. J'ai de la fraîche pour les frères, pas besoin de trône. On fuck leur pyramide, on veut des lots. Ouais, on veut des J'ai lots. De la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. Tu veux tester ma clique, arrête. L'état c'est Mirador, le bon Dieu a ses minarets. Je fais mal comme une césarienne. Qu'il paraît, je rappe à la maison d'arrêt. Va le dire au grand, j'ai du cran et un cran d'arrêt. Je suis libérable, ramène de la chienne et de la jaune. Ah, j'aime pas de la com, je partirai comme une icône, boy. La rue me suit depuis ma première gorgée. Depuis j'ai touché l'or, c'est pour les écorchés qui mangent égorgés. Voilà un son, pas pour les pisseuses. 7-8, Funny Baby, aka mangeur de pierres précieuses. La banlieue sale ne ramasse pas le savon. J'suis dans les airs en première, toi t'es en mode avion. J'fais de la télé, du rap, des sapes et du cinéma. J'ai aucun diplôme, j'sais juste casser des Neyman. Martin Luther, c'est pour les refs, j'ai fait un rêve. J'avais du sang de keuf sur ma DB9, toute neuve. J'ai de la fraîche pour les frères, pas besoin de trône. On fuck leur pyramide, on veut des lots. J'ai de la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. J'ai de la fraîche pour les frères, pas besoin de trône. On fuck leur pyramide, on veut des lots. J'ai de la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. J'ai plastifié le game, foutu le rap à quatre pattes. Il me reste un peu de C4 et c'est des C4. On fait des trucs de ouf, les keufs à nos trousses. En 22 pouces, signe des contrats sans trousse. Et si on plombe l'ambiance, c'est pas un jeu de mots, y'aura des décès. Je rappe depuis le secteur A, frère, mafia tressée. Depuis le début, les rôles à poisse me follow sur mon polo. Le double G, gros, fort mon logo. J'ai de la fraîche pour les frères, pas besoin de trône. On fuck leur pyramide, on veut des lots. J'ai de la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. J'ai de la fraîche pour les frères, pas besoin de trône. On fuck leur pyramide, on veut des lots. J'ai de la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. On fuck leur pyramide, on veut des lots. J'ai de la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. Spécial CDC 4, capitale du crime 4, avec La Fouine à l'instant, et ce morceau Pyramide. Voilà, petit clin d'œil aux X-Men et retour aux pyramides. Ça a dû faire plaisir à plein de gens aussi, celui-ci. Ah, c'est mon morceau préféré. Merci pour tous vos messages. 41 Sky, 41759. C'est franchement, c'est mon morceau préféré, celui-là. Moi, j'ai deux coups de cœur. C'est celui-là très et lourd. Le terrain avec H Magnum que je vous ferai découvrir encore. C'est mes deux préférés. Mais celui-là, là, c'est vraiment un morceau qui me ramène loin, qui me fait, j'ai des souvenirs. C'est la bonne époque. C'est une très bonne époque. C'est ce qu'on a appelé l'âge d'or du rap français, ouais, où il y avait plein de groupes à l'époque. L'âge de platine. L'âge de diamant. Dans les années 90. Avec ce morceau Pyramide, donc qui revient quelque part à la musique. Voilà, on se le remettra. C'est vraiment un morceau que j'adore, Pyramide. Et l'album sort lundi prochain dans les bacs. Il est déjà en précommande sur iTunes. Dans un instant, il y aura du live avec toi et avec Cozy qui est invité aussi. Il y aura du live dans un instant. Et puis n'oubliez pas, tous mes followers sur Twitter, Facebook, c'est La Fouine sur Skyrock. Hashtag La Fouine sur Skyrock. Fouinichi, m'envoyez tous vos messages. On est là, je vous kiffe. Je fais un gros big up. Cozy, là, pour Niama, moi c'est @ Cozy Niama, Twitter, Instagram. Cozy Niama, venez même sur Snapchat. Ah oui, c'est partout. Niama. On est partout. Cozy, il est partout. On fait une dédicace aussi à Furtif, mon gars. On recevra aussi dans le truc. Et on accueille Yozolozo aussi qui est là. Voilà. Maxwell de Vigneux sur scène. Salut Maxwell. Ouais, salut. Ça va bien, Maxwell. Je te présente La Fouine, Cozy. Cozy, on connaît. C'est des bons gars. On est là. Salut Maxwell. Maxwell, au calme. Bon, prêt à rapper, Maxwell, prêt à tout défoncer en une fois. Tu sens, mon Niama. C'est parti, session live, freestyle par téléphone. Aïe, c'est ça, les gars. Hold up, frère, hold up, team. Rap cartel, musique, 9-1 district. Puis sur scène, yo, Maxwell. Yo, Rome de Stadamad. Yo, 10-50 industries, poteau. Yeah, ça arrive, yo. Compétition de petits gars, de concession, petit baba, peu je constate l'étendue des dégâts. Les petits princes de Paname visent la tête de l'État. Contexte idéal pour une France à l'état létal. Étaler sa tête au cœur des pages people. People politique pour des flics armés de flashball. Ras-le-bol, en somme, hardcore en parole. Ne pas croire que tout roule au pays du pitbull. Dans ma boule de cristal, je vois la pierre comme un flashback. Basculé dans un cauchemar digne de 44. Hors de peu de l'enfer. Pour un départ en charter, revisite le code noir et déterre la hache de guerre. Si les carottes sont cuites, les miennes seront râpées. Envoie les postes carottes après les costards cravates. récolte, plus je détruis tous mon passage. Un vice plus dernier à mon équipe vernissage. Sur des vers et versatiles en guise d'armes pour ces fameux présages. Esprit mental, plus flow illimité, égal, force colossale. Boum, chakalaka, que tout le monde reste calme. Plaque, plaque, plaque, à tête d'un coup, c'est plus fou. Je rappe sec avec la soif d'un banlieue tard en plein désert. J'ai tout, j'ai trop à faire dans de fameuses affaires. À la recherche de nos bonnes affaires pour ne jamais penser que c'est l'argent qui nous a fait. Avec rien, on a déjà fait et on espère que ça fait effet. En effet, c'est Hold Up Team, Black Cartel, Maxwell, MC, c'est mon place. Pas de blabla, ma voix sur ton casque ou sur ton plasma. Plasma, plasma, bla bla bla bla bla. Ok, Maxwell à l'instant en freestyle de Vigneux sur scène. Merci à toi Maxwell. Big up Maxwell 9-5. Non 9-1, 9-1. Ah 9-1. 9-1 Vigneux sur scène. Ah Vigneux, excuse-moi, 9-1, Big up. 9-5. J'aimerais vous dire que c'est bien ce que vous faites, continuez. Merci, merci. C'est bien de faire un projet comme Capital du Crime Stat, parce que les indés comme ça, ils peuvent monter, ils peuvent montrer ce qu'ils savent faire aussi, ça fait c'est plaisir. C'est exactement ça, merci. Lourd. Eh ben merci à toi, Maxwell. Bien, et on peut te suivre où, toi, sur le net? Vas-y, balance. Alors, moi, on peut me suivre sur Facebook, Maxwell MC, M-A-X-W-E-L-L, espace M-C-E-E. Twitter, Skyblog, musique également, Maxwell MC, SoundCloud, Bandcamp. J'ai sorti mon EP gratuitement téléchargeable. Si, Parlez-moi de musique, volume 1. C'est donc bien voilà. Ouais. J'aimerais dédicacer aussi un gros big up à 1050 Industries, Luca Tony, Kinyo, You Custom, Sylvie, Jackie, GG, AJ, S1, la famille. Et puis voilà les gars. Merci à toi. Merci Maxwell. Si Maxwell. Maxwell. Passez c'est bien de souligner soirée. Ce qu'il a dit. C'est un disque indépendant. Et c'est de l'autoprod, c'est le quatrième volet, ça fait pas mal de temps sur le label Toujours Banlieue Sale. Et j'ai un petit message à tous les indépendants aussi du rap français. Vous êtes là en train de créer partout, vous faites du rap indépendant, mais déjà soyez indépendants vous, arrêtez de vivre chez vos parents. Voilà. Petite punchline, Cozy, si tu veux répondre, c'est le droit de réponse des indépendants, c'est pour toi. Non, je l'ai. Moi ça me concerne pas. Ouais. Mais il y a plein de gens qui disent, on fait du rap indé, on est en indépendant, ils vivent encore chez leurs parents. les gars, déjà soyez indépendants vous avant de lancer. Depuis que j'ai 15 piges, moi j'habite plus chez les darons. Ah ouais, les gars, soyez sérieux, hein, c'est vos bêtises. Et d'ailleurs pour toi, Cozy, qu'est-ce qui se passe? T'as signé aussi, t'as un label, tu signes ouais, des gens. Là, je suis chez Privati, Corp. Avec mon gars Kinder, t'as vu? Il a un signé là-bas. Kinder, je suis signé là. Ouais, Kinder là. Ouais, surprise, Kinder surprise. Je suis très surpris par ça. Voilà, donc je suis signé là-bas. On est en train de préparer des grandes choses. Toi, il y a ton projet 2015. 2015, frère. Février, mars. Février, mars 2015. Ça va arriver fort, l'homme à battre. Très, très, à très suivre, fort. Donc, frère. Cozy Nyama. On repart avant justement le live de Cozy dans quelques minutes. Elle tient aussi la fouille. On court sur quel morceau? Alors, avant le live, on va se mettre lové. Voilà, on va se mettre lové. J'ai balancé le clip il y a quelques jours. Et voilà, donc lové. Voilà, le morceau est très lourd. Et n'oubliez pas que l'album est en précommande sur iTunes et qu'il sera dès lundi dans les bacs. Allez, pécho, Tim Nyama. Ça sort le 24 novembre. Trésor Lucas. CDC4. Chichou. Chino. Fouiné. Je connais déjà. Yeah. Comme d'hab, ma BS fait des lovés. C'est des bras, s'enlève ton revêt. Intérieur, cuir, vitre teintée. Et tous mes robes sont broliquées. Ils font des lovés, lovés, lovés, lovés. Pour quelques feuilles, on va se fâcher. En 10 puits, j'ai tout arraché. Zanotti, diamant, Versace. Non, Renoir, je vais pas te cacher. J'ai fait des lovés, lovés, lovés, lovés. Putain j'ai des problèmes, j'entends que les petits m'ont clashé. En plus ma chemise est tachée, le rap me suce et je veux pas cracher. À part ça mec j'ai rien à faire, je galère chez mon notaire. Je signe des apparts à 1 million et je me barre en classe affaires. Niquez vos rums, moi je l'ai déjà fait, je m'en suis lassé. Je mange avec le commissaire et le bijoutier me passe les bracelets. Bref, laisse ta bécane en ir, il n'est plus question de caler. Mon musper est comme leur teucar, il se fait toujours avaler. Funny funny baby, baby, les chelhés font pas crédit. Frère, faut faire des levées, avoir un brolique sous le teddy. T'as connu tes petits rappeurs street, dis bonjour au rappeur West Street. Ouais, ici on vend ce que tu veux, me accrocher. J't'ai dit comme d'hab, ma BS fait des levées. C'est des bras, s'enlève ton revêt. Intérieur, cuir, vitre teintée. Et tous mes robes sont broliquées. Ils font des levées, levées, levées, levées. Pour quelques feuilles, on va se fâcher. En 10 puits j'ai tout arraché. Zanotti, diamant, Versace. Non, Renoir, je vais pas te cacher. J'ai fait des lovés, lovés, lovés, lovés. tu cartes en encore poursuite. Dur de te racheter une conduite. Putain, il rappe à l'ancienne. Dans leur clip, y'a toujours des pites. Méfie-toi, un jour c'est tes potes. Le lendemain, t'envoies des pics. Ils n'ont pas retourné leur veste. Ils ont tourné la boutique. J'm'en bats les reins, bats les reins. Est-ce que les leurs sont solides? Quand ils me voient passer en bolide, la carte grise au nom de Mouhi. Ta petite amie, ta virée, elle veut sortir avec Sultan. Sur ses côtes, y'a F.A. Babe. Mais d'abord, elle passera par WAM. Quelques 16, quelques billets. J'tribuche sur un tas de Zayo. J'ai plus sur quel pied danser. Non, je veux pas salir mes Kenzo. CDC, autofinancé. J'ai le number à ta fiancée. Mec, tu rap pour le Zayo. Comment t'écris? Comme dans ma BSP délové. C'est des bras, on lève ton revêt. Intérieur, cuir, vitre teintée. Et tous mes robes sont proliqués. Ils font des lové, lové, lové, lové. Pour quelques feuilles, on va se fâcher. Handicapé, j'ai tout arraché. Zanotti, diamant, Versace. Non, Renoir, je vais pas te cacher. J'ai fait des lové, lové, lové, lové. Lové, lové, CDC4 dans les bacs. C'est Planète Rap, justement, spécial CDC4. On a une semaine maintenant de la sortie du Capital du Crime 4. Une semaine pile, lundi prochain. 24 novembre. Meilleur mixtape de l'année dans les bacs. Je confirme. Tu confirmes, Cosy? Je confirme. Sur Twitter, acharnez-vous, la fouine sur Skyrock. CDC4 dans les bacs. Fouini Chim, envoyez tous vos messages. 41 Sky, 41 759. Et le disque est déjà sur iTunes. Allez le précommander dès maintenant. Il y a deux morceaux inédits dessus. Et allez aussi commenter maintenant le live, puisqu'alors par qui on commence le tien, la fouine? On va passer en live, on va faire l'intro, ensuite on va faire Loubou, et ensuite on va partir en freestyle avec Yolozo, qui est de la team à Niama. Présente-nous Cosy qui est avec. Attends, avant de parler ça, je vais juste dire un truc, parce que Dixon est là dans les studios. Dixon, toi, est-ce que tu m'amènes au Parc des Princes voir un match? Parce que Dixon ramène tout le monde sauf moi. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux parler là, tu m'entends? Ouais, on t'entend. Alors, Parc des Princes pour toi, c'est quand tu veux. Il n'y a pas un site internet où je dois aller m'inscrire, c'est comme ça. PSG.fr. Non, c'est pour aller au Parc des Princes avec Dixon. C'est www.dixoninc.fr. Dixoninc.fr. Ouais, voilà. En fait, c'est des prestations un peu privilégiées. Ils viennent chercher, ils te ramènent dans une belle voiture, ils te ramènent dans la loge présidentielle, ils te mettent bien. Tu rencontres Nasser. Tu t'assois à côté de Beyoncé, à côté de Jay-Z. À côté de Sarko, parfois, t'as pas de chance. Voilà. Ça peut être une chance aussi. Bref, www.dixoninc.fr pour toutes les prestations, Parc des Princes. Et bah allez cliquer. Et maintenant en live. Bah attends, je vais présenter le petit. Oui, présente-nous, ouais. Bah c'est Mayo, mon petit Zinkou du 9-3. T'as vu, oui, tu l'as déjà vu avec moi deux, trois fois. Au moment de la nocturne. Le petit refrain, elle est là. Il va se présenter tout seul, c'est un grand garçon. Ouais, allô. Ouais, moi c'est Mayo en provenance du 9-3. Stein. En provenance de Stein. Et en ce moment, on s'est mis dans le domaine du rap. Et voilà. Et bon, on va t'écouter un peu. J'ai un clip dispo sur YouTube. Il s'appelle Déjà Cuit CDC. Ça veut dire tu tapes Maillot CDC. Tu vas trouver mon clip Maillot sur YouTube. Maillot CDC. Et Fefani. Et à Fefani aussi. Allez, on attaque en live maintenant sur Skyrock. DJ Scorp. Salut, Scorpion. Salut, mon vieux, tu me reconnais? Hey. Et ouais, mon vieux, je t'ai reconnu, ma gueule. CDC4 dans les bacs, détendez-vous, ce n'est que l'intro. J-7. Salut mon vieux, tu me reconnais? Allez le pécho. Yeah. Fouiné. Yeah. Roya, j'ai fait des millions d'euros, donc fuck you, toi et ta vie d'artiste. Ouais, BIA, je te baisse pas par la charge, passerai bien par l'entrée des artistes. Ouh. Dieu le temps, laisse ça sur ma peau, rebeuve là, les putains de cicatrices. J'ai pas le time, j'suis pas dans leur matrice. Tu veux un feat, j't'envoie mon cabis, ça fait du bien. CDC, j'vais enfin pouvoir traiter leur mère. J'ai trop de verse de billets de 100 E, normal que l'entraîneur me mette au vert. Bouche, j'perds les oreilles de ta fille, j't'ai dit ça, c'est pas du team BS. Bizarre, ta chaîne est trop tactile, elle me rappelle ma Nintendo DS. Nique sa mère, les bras morphés, prends le sale, on a des masseuses. Moi dessus devant la chicha Renoir et la Terre un Starbuzz. J'ai peur d'aller niquer leur mère. On n'est pas du tout dans la même sphère. J'ai 2-3 billets, je vais HR. J'ai 2-3 ennemis en DHR. Ici c'est la Ligue 1, la Ligue 1. CDC bon le sale, ça kick 1. Est-ce que dans les geôles du tribunal tu nous trouves encore sympathique 1? Mais Renoir qui t'a dit ça? On t'a jamais clashé, connard. On ne tire pas sur les ambulances et encore moins sur les corbillards. Billard, rate tranquille sur Paris alors qu'il est sous Bavaria. Les rêves de Panamera, du salaire de Di Maria. Trop Trop de fils de pute, je les vois retourner leur veste à quelques euros. C'est des C4 dans les bacs, détendez-vous, c'est que l'intro. Marcher dans la merde, je vais marcher sur la moon. Eh ouais, Alpha Prod. Celle-là, c'est pour toute la team Niama, Cheba, Capou, Bilal Jelna et Marcel Tisco. Peu. On sent quoi à Monaco? Eh, M. Village, je te vois. Adrien Rabiot. Je veux ses fesses, elle veut mon fric. Bah ouais, ça se lit sur ses lèvres. De moi, c'est elle qui kiffe les mecs de test, ainsi que les gens, c'est elle. Quand t'as trouvé un mec plus haut que toi, Reggie, elle te délègue. Je passe jamais par quatre chemins comme énergie, je suis direct. Je suis direct. 2014, femmes avant tous le même chalet. Écarté, écarté, jambe bébé, je te coupe que la gilette. Que la gilette. Elle est prête à avaler pour le bénéfice de la zipette. Des demoiselles, pareil que t'es une peupon, alors viens que je te pète. Auprès de ses copines, quand elle monte ses selfies, je suis à l'eau, ça t'es une sale en biche. Bah ouais, telle mère, telle fille. 10 sur 10 en exercice, mais fais-vous des tailles fines. Elle s'en vante une vie d'artiste, si t'es pas vive, bah tu m'en dans le film. Et bébé lec, mets la peau de cas si tu veux pas un second dans le dos. Et en coupe, elles sont pas la chatte, elle veut être en secondo. Elle est non identifiable, elle se prend pour Jando. Bois pas la Jack, elle a pas aimé la bouteille, là, quand c'est de l'eau. Sont prêtes à donner leur branche, le plus bon Jules ou Boudin. Pour Jules ou Boudin. Pour Jules ou Boudin. Toutes ces bitches sont prêtes à donner leur masse au pour Jules ou Boudin. Pour Jules ou Boudin. Pour Jules ou Boudin. Toutes ces bitches sont prêtes à donner leur tarma juste pour Jules ou Boudin. Jules ou Boudin. Pour Jules ou Boudin. Toutes ces bitches sont prêtes à donner leur intimité pour du loup boudin. Pour du loup boudin. C'est dead, elle va manger la pomme dans le jardin d'Eden. Mademoiselle est en mode plus gros que le ventre d'Yama quand je dégaine des gaines. Auditeur, t'as du mal à capter mes poches, t'as une croix une antenne. T'as gros à la maladie de la putrimasse, t'as mêlé en quarantaine. Pas de service, pas de dérangement, non Yama, surtout quand je ken. Le flow coule à flow, oui, oui, bien sûr, mon Yama comme une gofontaine. Je baisse direct, pas de préliminaire, pillage car j'ai trop la flemme. Mathusalem, Dom Pérignon, Jack Vodka qui les coude dans mes veines. Facilement, elle écarte ses jambes, Yama, tout dépend du statut. Du statut. N'oublie pas de mettre la porte qu'un Yama dans la chenèque, tu. P.O. furtif, t'emmène en balade, accroche ta ceinture. Elle s'est chère toujours à rentrer dans le VIP Igo, même quand c'est trop dur. Ces bitches sont prêtes à donner leur peinture, tu vois du loup boudin. Pour du loup boudin. Pour du loup boudin. Toutes ces bitches sont prêtes à donner leur morceau pour du loup boudin. Pour du loup boudin. Pour du loup boudin. Pour du loup boudin. Toutes ces bitches sont prêtes à donner leur tarma juste pour du loup boudin. Pour du loup boudin. Pour du loup boudin. Toutes ces bitches sont prêtes à donner leur intimité pour du loup boudin. Du loup boudin, du loup boudin, bra. I2SY, Boulogne, ici les Moulineaux. Square de l'arbre. Mais c'est déjà cuit. Yozo du game. Fais du bruit, mais c'est déjà cuit. Tu fais du bruit, mais c'est déjà cuit. Tu fais du bruit, mais c'est déjà cuit. Reviens là, mal pourquoi tu fuis. Viens là, viens là, viens là. Tu fais du bruit, mais c'est déjà cuit. Bra. Du bruit, mais c'est déjà cuit. J'ai sorti mes litres sur les tuyaux. Tu fais du bruit, mais c'est déjà cuit. Yo Zoluzo, faut que j'éjacule. J'suis tout poids comme des tentacules. À chaque geste, en fait, je t'encule. Un gros boule, fallait que je manipule. J'suis chaud bouillant, plus que la canicule. Yama, yama, yama. À la ride, trop dans le ridicule. Trop de faux amis, donc j'prends mon recul. Noir et fier, j'n'ai que deux emballés. Plein de billets verts, dis-moi pourquoi aller. Mes revolvers, eux, veulent vous rafaler. Regardez, retrouver dans une sombre allée. Foiré. Tu fais du bruit, mais c'est déjà cuit. Tu fais du bruit, mais c'est déjà cuit. J'ai sorti mes litres sur les tuyaux. Wesh, là où ni. Mais c'est déjà cuit. Capital du crime 4. Beretta ou vin de l'orive. Bla, bla, bla, bla. Tu kiffes, je t'en remets plein de pif. Allez, tiens. Allez tiens, Yozo, c'est vrai que je fais la gif. Donc ces fils de pute en veulent à la mine. De la trahison, pas de tradition. Deux, deux, deux, Tradition, achat, cabution. Des sensations, donc je passe à l'action. 2-4-0 sur mon écusson. Poids de marité, j'aime le Louis Vuitton. Utilisé comme un vulgarpion. T'as de cocaïne, j'ai que ça dans le fion. Je disserte dans tout Paris, je retiens la leçon. Allez, tiens, hey, tu fais du bruit, mais c'est déjà cuit. Glenn Smith, tu fais du bruit, mais c'est déjà cuit. J'ai sorti Lilith sur les tuis. DJ Score, tu fais du bruit, mais c'est déjà cuit. Non, Yozo Lozo, tu oui. Sais, mon gars. Un gros big up à Laouni pour ce petit passage. C'est normal, on donne la force. Toute ma ville, 93 245, cousine à moi, tout le monde, on est ensemble. Tu penses qu'on peut mettre Chino un dans la maison de partir, quoi. Non. Il n'y a pas le temps. Demain, on mettra plein de sons, mais on va saluer en tout cas Mayo qui était là au micro. Ouais, avec gros vous. Merci à toi aussi. Petite dédicace avant que je parte, vite fait. Mon beatmaker, Franchisel, 4093, Erinum, Robson, Ben, Ryan, Chino, Trésor. Baladib, Knowledge, Châtenay Malabry, Amaniamé, Giovanna, mon gars, Boston, Passy Daubert, Cigartex, Pascal, Saut Triomphal, Rayfiré. PO aussi, PO. PO, Bois la Paix, Champigny, OHM, Jawa, Desat, et Alpha, Ouchtar. Carly, big up Alpha Ouchtar. Et suivez-moi, Mayo, sur Facebook, Mayo la part du gâteau. Mayo la part du gâteau pour trop Mayo la part du gâteau. M-A-Y-O-L-A-P-A-R-D-U-G-A-T-O. Mayo la part du gâteau sur Facebook, je suis là-bas, les gars. Ouais, je voulais rajouter un dernier truc. Tous les vendredis, on balance un clip. Ouais. Avec un morceau sur iTunes. Ce vendredi-là, exceptionnellement, on va pas pouvoir mettre le clip sur YouTube parce que le morceau est trop hardcore et que deux minutes après, il va être retiré. Donc, allez pécho le morceau directement sur YouTube. Vous sur l'avez iTunes. Uniquement, ouais, si vous précommandez l'album. Voilà, allez pécho l'album, allez pécho le morceau sur iTunes dès vendredi. C'est pisse sur le FN. Le morceau, on peut pas le mettre. Le morceau va être retiré deux minutes après de YouTube. Et ben, on suivra ça vendredi. C'est un gros morceau. Et toute la semaine, avant de se dire au revoir, on fait tourner la roulette. J-7. Skyrock t'offre des bons d'achat de 50€ plus ta nouvelle compil Planète Rap 2014 volume 3. Avec Walid de Orsay, ça va bien Walid? Ouais, ça va bien et toi? Je te présente la fouine Cozy Mayo qui est là aussi avec nous ce soir au micro. Ouais, ça va encore fouille. Frérot? Ça va Walid? Ça va encore la famille? Prêt à faire tourner la roulette? Yep. Ouais. Allez, lancez dès que tu veux. Crie CDC4 frère. Ah oui, tu peux crier CDC4. Ah non, il a pas suivi. Aïe aïe aïe, je crois que ça va être la casse banqueroute. Eh non, juste pile poil pour repartir avec la compil Planète Rap 2014 et 50€ en bon d'achat pour aller se procurer, pourquoi pas, le CDC4 qui sort lundi 24 novembre. Voilà. On t'envoie ça, Walid. Merci. Hein. Ouais, mon frérot. Passe une bonne soirée. Vas-y, on t'écoute. Une dédie à Skyrock, à La Fouine. Ouais, merci. Et à mes parents. Eh ben, ça roule à toute la famille. Merci à toi, Walid. Merci à La Fouine pour cette première soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci, Fred. Et on va se retrouver toute la semaine avec plein de freestyle, plein d'invités. C'est DC4 dans les bacs dès à présent sur iTunes et dès lundi prochain. Et comme tu le disais dans l'intro, c'est vrai que c'est un petit peu le projet en parallèle de Banlieue Sale et de toute l'équipe Banlieue Sale. C'est un autre projet, c'est DC4. Hein, c'est de la Team BS, voilà. Exactement. C'est autre chose que la Team BS. Bon, c'est comme je l'ai dit dans l'intro, voilà, c'est pas vrai. C'est autre chose, la famille. Par contre, l'advisory. C'est autre chose, la famille. C'est DC4 dans les bacs. On aura du GSX. On aura du Canardo, on aura tous les invités qui figurent sur le projet, ils seront là. Donc à pas louper cette semaine. Merci Cozy d'être passé. Merci à toi Fredo. À très vite. Donc on suit en 2015 la sortie de l'album de Cozy. Ça va arriver gros, du sale, on prépare ça. Et puis Mayo qui était là aussi avec nous. Ouais, gros merci à Laouni, à Cozy, à tout le monde, à toi-même Fred. Et moi comme j'ai dit, on va te suivre en tout cas. Hein. Sur Facebook, sur YouTube, Mayo, CDC, si tu veux retrouver mon clip. Et voilà, merci. Scorp était avec nous. Merci La Fouine demain. Big up à Glenn Smith aussi. Et Glenn Smith qui était là dans le coin. Dabo. On se retrouve demain entre 20 et 21, juste avant 20h pour la suite de ce Planète Rap. CDC4. Et là, il est grand temps de retrouver D-Fool maintenant. Sakila. La Radio Libre, c'est parti pour une nouvelle semaine. Et ouais, Fredo. Coup d'envoi. Et hop, coup d'envoi. C'est parti pour une nouvelle semaine. Merci La Fouine. La Fouine qui viendra nous voir. Je n'en dis pas plus. On n'en dit pas plus. Ça fait, n'en dit rien. Dans la semaine, dans la Radio Libre. À pas louper. Dans un instant, on va démarrer avec celui qui était l'invité de Planète Rap la semaine dernière. C'est Black M. Black M qu'on va retrouver pour démarrer l'émission, pour démarrer la soirée. Bonjour Marie, Marie, bonsoir, très contente, nous aussi. Bah ouais, contente de vous retrouver. Vous pouvez nous appeler dès maintenant, allez-y, 01 53 40 30 20. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez ici. Hein. Black M lui dit rien, mais bon, vous, allez-y. Profitez jusqu'à minuit, 41-759, l'appli Skyrock. Et puis on vous retrouve tout de suite là, après Black M. Et je ne dirai rien sur Skyrock, c'est parti.